limite, c'est à peine deux verres. À partir d'une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang, je ne dois pas conduire. Et si je suis contrôlé, l'infraction est constatée et je serai sanctionné. Je suis titulaire de mon permis depuis plus d'un an. J'ai ou bien un capital de 9 points, si j'ai suivi une formation AAC, ou bien de 8 points, si j'ai suivi une formation classique. Mais dans un cas comme dans l'autre, mon permis ne sera pas invalidé. En effet, je perds 6 points. Il m'en reste ou bien 3 ou bien 2. Je vais être obligé de suivre un stage de récupération de points ou stage de sensibilisation à la sécurité routière. Réponse B.